Chapitre 15. La sœur. Tandis que l'ascenseur redescendait lentement les étages, Ophélie s'appuya contre la paroi en velours. Les dernières paroles de l'ambassadeur résonnaient encore dans ses oreilles. Qu'avait-il voulu dire par là? Elle n'était plus si sûre de l'avoir convaincue avec tous ses mensonges. Ophélie ne savait pas si c'était l'effet de sa coupe de champagne, du manque de sommeil ou de toutes ses illusions, mais la tête lui tournait. Secouée de tremblements, elle se frictionna les bras. Le contraste avec la chaleur estivale du jardin était brutal, à moins que ce ne fussent là les limites de l'illusion. Pendant qu'elle croyait avoir chaud, son corps avait attrapé froid. Son regard tomba sur le tourne-disque qui diffusait un petit air de violon. « Tout de même, » songea-t-elle, « comment ces gens font-ils pour vivre à longueur de temps dans cette atmosphère empoisonnée ?» En comparaison, les hystéries de sa mère lui paraissaient reposantes. En attendant, si Ophélie ne rentrait pas bientôt et qu'on trouvait sa chambre vide, sa tante allait mourir d'inquiétude. Du fond de sa capuce, elle observa le vieux groom en livrée rouge et les énormes favoris blancs qui débordaient de son chapeau à élastique. Il était cramponné à son levier comme un capitaine à son gouvernail. « Monsieur ?» L'homme mit un temps à comprendre que ce murmure s'adressait à lui. Il tourna vers Ophélie, deux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. À son regard stupéfait, elle comprit que personne ne l'avait jamais appelé « monsieur ».« Oui, mademoiselle. » « Comment se rend-on chez Dame Bérénilde à partir des entrepôts, s'il vous plaît ?»« Ce n'est pas la porte à côté, mademoiselle, devrait prendre un coche, » suggéra le vieux groom. « Mademoiselle en trouvera près de la grande halle, de l'autre côté des entrepôts. »« Je vous remercie. » Le vieux groom revint à son compteur où le chiffre des étages décroissait, puis il posa à nouveau ses yeux pâles sur Ophélie. « Mademoiselle est étrangère, n'est-ce pas ? Cela s'entend à l'oreille. C'est si rare d'en croiser par ici. » Elle se contenta d'opiner timidement. Il lui faudrait décidément corriger cet accent et ses manières si elle voulait se fondre dans le décor. Alors que l'ascenseur arrivait au niveau d'un palier, des silhouettes se dessinèrent derrière la dentelle de la grille. Le groom bloqua le frein et le rouvrit. Ophélie se colla contre la paroi à capitons. Un couple et trois enfants prirent place dans la cabine en demandant le salon de thé. Ils étaient tous si impressionnants dans leurs habits de fourrure qu'Ophélie avait l'impression d'être une souris au milieu des ours. Chahuteurs, les garçons la bousculaient sans lui prêter la moindre attention. Ils se ressemblaient comme trois gouttes d'eau, avec leurs crânes rasés et leurs sourires en dents de fauve. Écrasée au fond de l'ascenseur, Ophélie se demandait si ces sauvageons allaient à l'école. Elle espérait que les parents ramèneraient un peu de calme parmi eux, mais elle comprit bientôt qu'ils avaient d'autres préoccupations. « Tâchez de vous distinguer pour changer, » dit la femme à son mari d'une voix âcre. « Les portes du clair de lune nous seront toujours fermées si vous êtes incapable de faire un seul mot d'esprit. Pensez un peu à nos fils et à leur entrée dans le monde. » Les mains plongées dans un manchon, elle portait une robe de vison couleur miel qui l'aurait rendue ravissante si son visage n'avait été déformé par la hargne. Ses lèvres convulsives, ses cheveux pâles tirés sous sa toque, son nez dressé comme une épine, le pli gravé entre ses sourcils. Chaque détail de sa physionomie dénotait un perpétuel mécontentement, une insatisfaction profondément enracinée en elle. Il émanait de son corps une telle nervosité qu'Ophélie était prise de migraine rien qu'en la regardant. Le mari se renfrogna. Son immense barbe blonde se mêlait si bien à la fourrure de son manteau qu'elle paraissait inextricablement liée l'une à l'autre. « Il me semble pourtant que ce n'est pas moi qui ai tranché les oreilles de la comtesse. Vos crises de nerfs, ma chérie, ne rendent pas service à notre vie sociale. » Cet homme-là avait un torrent de montagnes en guise de voix. Même sans crier, il était assourdissant. « Elle m'avait insulté. Il faut bien que je défende mon honneur, puisque vous êtes trop lâche pour le faire. » Ophélie se fit toute petite dans son coin d'ascenseur. Elle se laissa bousculer par la bagarre des enfants sans plus songer à protester. « Mais nous sommes en train de descendre !» se scandalisa soudain la femme. « Nous avons demandé le salon de thé, vieux sénile !»« Que monsieur et madame me pardonnent !» dit le groom avec une inclination respectueuse. « Je dois d'abord déposer mademoiselle aux entrepôts. » La femme, le mari et les trois enfants se tournèrent vers la petite ombre qui cherchait désespérément à disparaître sous sa pèlerine, comme s'ils remarquaient enfin sa présence. Ophélie osait à peine croiser leurs yeux en lame de rasoir, tout là-haut. Si l'homme était le plus grand et le plus imposant de tous avec sa longue barbe blonde, c'était de son épouse qu'elle se méfiait surtout. Elle ne savait pas comment, mais cette femme lui donnait horriblement mal à la tête. « Et pourquoi auriez-vous la préséance sur nous ?» cracha celle-ci avec mépris. Ophélie avait peur que son accent ne la trahît une fois encore. Elle se contenta de secouer sa capuche pour leur faire comprendre qu'elle n'y tenait pas tant que cela à cette préséance. Malheureusement, son attitude n'eut pas l'heure de plaire à la femme. « Voyez-vous cela ? » siffla-t-elle, ulcérée. « On dirait que cette jeune personne juge indigne de me répondre. » « Fréja, calmez-vous !» soupira le mari dans sa barbe. « Vous êtes beaucoup trop susceptible. Vous faites un scandale d'un rien. Faisons un détour par les entrepôts et puis n'en parlons plus. » « C'est à cause d'un puissant comme vous que notre clan est voué à déchoir !» rétorqua-t-elle méchamment. « Nous ne devons laisser passer aucun affront si nous voulons nous faire respecter. Allons, montrez un peu votre visage !» ajouta-t-elle à l'intention d'Ophélie. « Êtes-vous mirage pour vous cacher lâchement ainsi les yeux ?» Galvanisés par la nervosité de leur mère, les enfants riaient et tapaient des pieds. Ophélie ne comprenait tout simplement pas comment elle s'y était prise pour tomber dans ce nouveau guépier. Le vieux groom, voyant que la situation tournait au vinaigre, jugea bon d'intervenir. « Mademoiselle est étrangère, elle n'aura pas bien compris, madame. » La colère de Fréja fut soufflée comme une flamme. « Une étrangère ?» Ses yeux pâles et étroits scrutèrent intensément les lunettes d'Ophélie plongées dans l'ombre de sa capuche. Ophélie, de son côté, observait les mains que cette femme avait mises à nu en ôtant son manchon. Elle portait des tatouages exactement comme ceux de Bérénilde. Ces gens appartenaient à la caste des dragons. Ils étaient sa future belle famille. « Êtes-vous ce que je crois ?» articula Fréja d'une voix sourde. Ophélie fit oui de la tête. Elle avait bien compris que dans sa situation, il valait encore mieux passer pour ce qu'elle était plutôt que pour le membre d'un clan rival. « Et peut-on savoir ce que vous manigancez ici ?» Le visage de Fréja s'était lissé sous l'effet de la surprise. Elle venait de rajeunir de 10 ans. « Je me suis perdue, » souffla Ophélie. « Faites-nous descendre aux entrepôts !» capitula Fréja au grand soulagement du groom et de son mari. Quand l'ascenseur parvint à destination, Fréja laissa Ophélie sortir la première, puis elle lui emboîta le pas. « Aldor, partez devant avec les enfants, » dit-elle en refermant la grille. « Vous en êtes sûre, ma chérie ?»« Je vous retrouverai au salon de thé dès que j'aurai raccompagné cette petite à bon port. Il serait fâcheux qu'elle fît de mauvaises rencontres. » Ophélie eut un regard pour la comptoise de la salle d'attente. Il était trop tard maintenant pour regagner sa chambre en cachette. Tout le monde devait être réveillé au manoir. Alors qu'elle traversait les entrepôts, Fréja soulevait sa robe de vison pour éviter les flaques. « Je suppose que c'est Bérénilde qui vous héberge ? Nous allons prendre un fiacre. » Elles coupèrent à travers la halle du marché déjà noire de monde. Les odeurs de poisson donnèrent mal au cœur à Ophélie. Pour le moment, elle rêvait plutôt d'un bon café. Fréja héla une voiture, puis elle prit place sur une banquette. Ophélie s'installa en face d'elle. Tandis que le fiacre se mettait en branle, un silence inconfortable tomba lourdement entre elles, la grande blonde altière et la petite brune empotée. « Merci, madame, » murmura Ophélie. Fréja eut un sourire qui n'alluma aucune lumière dans ses yeux. « Vous plaisez-vous au pôle ?»« C'est un peu nouveau pour moi, » répondit Ophélie en choisissant ses mots avec soin. Elle avait compris que Fréja était une personnalité très susceptible. Autant éviter de la froisser. « Et mon frère, est-il à votre goût ?» Fréja était la sœur de Thorn. Ils avaient, il est vrai, les mêmes yeux pleins d'orage. Ophélie regarda par la vitre de la portière qui s'était mise à vibrer sous la poussée du vent. Le fiacre venait de surgir dehors, le véritable dehors. Il brinqueballa le long d'une corniche étroite et haut perché, cahota jusqu'au sommet d'un rempart et redescendit le flanc de la citacielle. Risquant un œil en contrebas, Ophélie vit la nuit pâlir au loin, par-delà la forêt de conifères, là où la neige se vallonnait. C'était le soleil, le vrai, le traître, qui faisait semblant de se lever, mais qui rebrousserait chemin avant même d'avoir atteint l'horizon, abandonnant comme chaque jour le pôle à son hiver. Après un tournant, le fiacre s'engouffra à nouveau dans les entrailles de la citacielle. « Nous ne nous connaissons pas encore bien, » répondit enfin Ophélie. « Vous ne connaîtrez jamais, Thorne !» ricana Freyja. « Savez-vous qu'on vous destine à un bâtard, à un opportuniste et un calculateur ? Il est de notoriété publique qu'il a les femmes en aversion. Faites-moi confiance, une fois qu'il vous aura engrossé, vous n'aurez pas plus d'importance à ses yeux qu'un vieux bibelot. Vous serez la risée de la cour. » Gelée jusqu'aux os, Ophélie frotta ses gants l'un contre l'autre. Thorne n'était pas un saint, elle avait déjà pu en juger par elle-même, mais les médisances avaient toujours eu le don de l'agacer. Elle soupçonnait cette femme peu subtile de servir son propre intérêt en voulant la décourager du mariage. Et puis, elle recommençait à lui donner mal à la tête. C'était étrange à décrire, ça faisait comme un picotement hostile tout autour d'elle. « Sans vouloir vous offenser, madame, je préfère me faire ma propre opinion. » Freyja ne bougea pas d'un cheveu sur la banquette d'en face, les mains dans son manchon, et pourtant une claque magistrale projeta Ophélie contre la vitre. Complètement sonnée, elle écarquilla des yeux incrédules sur la silhouette floue devant elle, les lunettes s'étaient décrochées de son nez sous le choc de la gifle. « Ceci, dit Freyja d'une voix glaciale, c'est une gentillesse en regard de ce que cet homme vous réserve dans l'intimité. » Ophélie essuya d'un revers de manche le filet de sang qui s'échappait de son nez et qui lui roulait sur le menton. C'était donc cela le pouvoir des dragons, pouvoir faire mal à distance? Elle chercha ses lunettes à tâtons sur le sol et les remit à leur place. « Ce n'est pas comme si on me donnait le choix, madame. » La force invisible frappa son autre joue de plein fouet. Ophélie entendit les vertèbres de son cou protester en cœur. Face à elle, le visage de Freyja était déchiré par un sourire de répulsion. « Épousez ce bâtard, chère petite, et je me chargerai personnellement de faire de votre vie un enfer. » Ophélie n'était pas sûre de pouvoir survivre à une troisième gifle de Freyja. Heureusement pour elle, le fiacre était en train de freiner. À travers la buée de la vitre, Ophélie ne reconnut pas la façade à colonnes devant laquelle il s'était arrêté. Freyja lui ouvrit la portière. « Réfléchissez-y, à tête reposée, » dit-elle d'un ton sec. Un coup de fouet, le claquement des sabots sur le pavé, le fiacre disparut dans le brouillard. Frottant ses joues endolories, Ophélie contempla le frontispice tout en marbre et en colonne qui se dressait devant elle, encastré entre deux rangées de maisons. Pourquoi Freyja l'avait-elle déposé ici ? Elle gravit d'un pas hésitant l'escalier qui donnait sur une superbe porte à dorure. Une plaque à l'entrée indiquait « Châtellenie de Madame Bérénilde ». Le jour de leur arrivée, Thorne les avait introduites par l'arrière-cour. Ophélie aurait dû se douter que le manoir possédait une entrée officielle. Elle dut s'asseoir un instant sur une marche. Ses jambes ne la portaient plus. Elle avait besoin aussi de poser ses pensées. Tout le monde déteste l'intendant, avait dit Archibald. Ophélie venait de mesurer à quel point c'était vrai. Cette haine lui retombait déjà dessus sans que la moindre chance lui fût donnée d'exister par elle-même. Elle était la fiancée de Thorne, point final. C'était déjà trop aux yeux des autres. Ophélie sortit un mouchoir de sa manche et souffla le sang qui lui restait dans le nez. Elle ôta ensuite les épingles de ses cheveux pour recouvrir d'un épais rideau ses joues meurtries. Elle avait voulu voir le monde qui l'attendait, elle était servie. La leçon était douloureuse, mais sa vie serait faite de cette matière-là. Mieux valait ne pas porter des œillères. Ophélie se leva, épousseta sa robe, se présenta à la porte et tira trois fois le cordon de la cloche. Un cliquetis de métal résonna de l'autre côté, signe que quelqu'un actionnait le petit Judas pour identifier la visiteuse. La voix du majordome lança des « Madame, madame !» dans le lointain et, au bout d'un long silence, Bérénilde en personne vint lui ouvrir. Entrez, nous prenions le thé en vous attendant. Ce fut tout. Pas d'accusation, pas de réprimande. Le visage de Bérénilde était tout de velours, mais il y avait de la raideur sous ses boucles d'or et son ample peignoir de soie. Elle était beaucoup plus fâchée qu'il n'y paraissait. Ophélie comprit que c'était cela, être une dame du monde, recouvrir d'un doux sourire les sentiments véritables. Ophélie franchit le seuil et s'introduisit dans une coquette petite pièce où les vitraux posaient des couleurs chaudes sur trois harpes et un clavecin. Interloquée, elle reconnut la salle de musique. Bérénilde referma la porte sur ce qu'Ophélie avait toujours cru être un grand placard à partition. Existait-il d'autres passages entre le manoir et le monde extérieur? Avant qu'Ophélie ne pût articuler un mot, Bérénilde enveloppa son visage dans ses belles mains tatouées. Ses grands yeux liquides s'étrécirent dans l'ombre des cils tandis qu'elle examinait les bleus à ses joues. Soutenant ce regard, consciente qu'il lui faudrait tôt ou tard rendre des comptes, Ophélie se laissa faire sans oser lui dire qu'elle lui faisait mal. Elle avait un sac de nœuds à la place de la nuque, elle ne s'était pas vue dans un miroir, mais les prunelles fixes de Bérénilde en disaient long. « Qui ?» demanda-t-elle seulement. « Fréja. Allons dans le salon, » déclara Bérénilde sans sourciller. Vous allez devoir vous entretenir avec Thorn. » Ophélie passa les mains dans ses cheveux pour les ramener vers les joues. « Il est ici ?»« Nous avons appelé l'intendance dès que nous nous sommes aperçus de votre disparition. C'est votre écharpe qui a donné l'alerte. »« Mon écharpe ?» bredouilla Ophélie. « Cette chose nous a réveillés au beau milieu de la nuit en renversant tous les vases de votre chambre. » L'écharpe avait dû être prise de panique en ne la voyant pas revenir. Ophélie se sentait bête de ne pas y avoir pensé. Elle aurait apprécié un répit avant d'affronter Thorn, mais elle devait assumer les conséquences de ses actes. Elle suivit donc Bérénilde sans rechigner. Dès qu'elle pénétra dans le salon, la tante Roseline lui fondit dessus. Elle ressemblait à un fantôme avec sa peau jaune pâle, son peignoir de nuit et son bonnet blanc. « Mais quel grain de folie t'est passé par la tête ? Sortir ainsi au beau milieu de la nuit, sans moi pour te chaperonner, tu m'as rendu folle d'inquiétude. Tu résonnes comme une table basse. » Chaque reproche propageait des élancements dans la nuque d'Ophélie. La tante dut se rendre compte qu'elle n'était pas dans son assiette car elle la fit asseoir de force sur une chaise et lui cala une tasse de thé entre les mains. « C'est quoi ces marques sur tes joues? Tu as fait une mauvaise rencontre? Quelqu'un t'a-t-il violenté ?» Bérénilde prit doucement la tante Roseline par les épaules pour la calmer. « Pas par un homme, si c'est ce qui vous inquiète, » la rasséréna-t-elle. « Ophélie a fait connaissance avec sa belle famille. Les dragons ont parfois des manières un peu sèches. »« Des manières un peu sèches ?» répéta la tante suffoquée. « Vous vous moquez de moi ? Regardez son visage !»« Si vous le voulez bien, madame Roseline, c'est à mon neveu que votre nièce doit des explications. Allons-nous tenir un instant dans l'antichambre. » Comme les deux femmes se retiraient dans la pièce voisine, la porte laissée entr'ouverte, Ophélie remua mollement la cuillère dans son thé au citron. La silhouette de Thorn se découpait devant la fenêtre du salon comme une grande ombre immobile. Absorbée dans sa contemplation du parc, il ne lui avait pas accordé un seul regard depuis qu'elle était entrée. Il portait un uniforme noir aux épaulettes dorées qui le guindait encore plus qu'il ne l'était déjà, probablement son habit de fonction. Au dehors, les couleurs d'automne étaient inhabituellement éteintes. Il pesait sur la crête des arbres un couvercle de nuages sombres où clignotaient des fulgurations. Il y avait de l'orage dans l'air. Alors que Thorn se détachait de la fenêtre et approchait d'un pas lent, Ophélie perçut certaines choses avec une acuité toute particulière. Les éclairs lumineux sur le tapis, la tasse chaude entre ses gants, la rumeur enfiévrée de la maison. Néanmoins, le silence de Thorn en toile de fond était bien plus obsédant. Elle lança son regard droit devant elle. Son torticolis l'empêchait de soulever les yeux jusqu'au sien posté trop haut. Ça l'ennuyait de ne pas voir l'expression de sa figure. Allait-il la gifler, comme Fréja ? « Il n'est pas dans mes habitudes de regretter, » le prévint Ophélie. De Thorn, elle s'était préparée à un blâme, à un scandale, à un soufflet, à tout, sauf à cette voix redoutablement calme. Je ne saisis pas bien lequel de mes avertissements vous a échappé. Vos avertissements, ce n'étaient que des mots pour moi. J'avais besoin de voir votre monde de mes yeux. Ophélie s'était levée de sa chaise pour essayer de lui parler en face, mais c'était impossible avec ce cou coincé devant un homme aussi grand. Elle avait à présent une vue imprenable sur la montre à gousset de Thorn dont la chaîne pendait à l'uniforme. Avec la complicité de qui êtes-vous sorti? De votre porte arrière. Je l'ai apprivoisée. La voix lourde de Thorn, durcie par l'accent, avait poussé Ophélie à lui répondre honnêtement. Elle ne tenait pas à entraîner les domestiques dans sa faute. Devant elle, la main maigre s'empara de la montre à gousset et en ouvrit le couvercle d'un mouvement du pouce. « Qui vous a brutalisé et pour quelle raison ?» Le ton était aussi impersonnel que celui d'un chef de gendarmerie en cours d'enquête. Ces questions n'étaient pas une marque de sollicitude. Thorn voulait simplement évaluer jusqu'à quel point Ophélie les avait compromis. Elle décida de ne pas mentionner sa rencontre avec l'ambassadeur. C'était sans doute une erreur, mais elle aurait été bien embarrassée de lui restituer la teneur de leur conversation. « Juste votre sœur Freyja, dont j'ai croisé la route par hasard, elle ne semble pas approuver notre mariage. »« Demi-sœur, » rectifia Thorn. « Elle me hait. Je m'étonne que vous lui ayez survécu. »« J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. » Le pouce de Thorn referma brusquement le couvercle de sa montre. « Vous venez de vous faire publiquement remarquer. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Freyja tienne sa langue et ne déclenche contre nous aucun engrenage fâcheux. D'ici là, je vous recommande instamment de faire profil bas. » Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. À la façon dont Thorn menait son interrogatoire, elle l'avait cru très détaché. Elle s'était trompée. Cet incident l'avait beaucoup contrariée. « C'est votre faute, » murmura-t-elle. « Vous ne me préparez pas suffisamment à ce monde en me maintenant dans l'ignorance. » Elle vit les doigts de Thorn se crisper autour de sa montre. Le retour de Bérénilde dans la salle de musique détourna son attention. « Eh bien, » demanda-t-elle doucement. « Nous allons devoir changer de stratégie. » annonça Thorn en croisant les bras dans son dos. Bérénilde secoua ses bouclettes blondes avec un petit sourire de dérision. Elle n'était ni apprêtée ni maquillée, et plus belle que jamais malgré cela. « À qui ta sœur pourrait-elle raconter ce qu'elle a vu? Elle est fâchée avec toute la citatielle. » Admettons que quelqu'un d'autre soit au courant et que la rumeur se répande. Si l'on sait ma fiancée ici, nous ne connaîtrons pas la paix. » Thorn se retourna vers Ophélie. Elle ne pouvait pas lever les yeux jusqu'à lui, mais elle sentait presque le regard d'acier sur sa peau. « Et puis c'est surtout de cette imprudente qu'il faut se méfier. »« Que proposes-tu alors ?»« Nous devons redoubler de vigilance et lui mettre un peu de plomb dans la tête. Ce sera vous et moi, à tour de rôle. » Le sourire de Bérénilde se tordit. « Si nous nous faisons rares, là-haut, ça attirera les curiosités, ne penses-tu pas ?»« À moins que ça ne soit justifié, » rétorqua Thorn. « Je crains, ma tante, que vous ne connaissiez quelques complications. Quant à moi, quoi de plus normal que de me rendre disponible pour vous ?» Bérénilde porta instinctivement la main à son ventre. Soudain, Ophélie mit un mot sur tout ce qui n'avait jamais cessé de lui sauter aux yeux depuis son arrivée ici. Ses vêtements lâches, ses petites lassitudes, cette langueur. La veuve Bérénilde attendait un enfant. « C'est à lui de veiller sur moi, » chuchota-t-elle d'une voix blanche. « Je ne veux pas m'éloigner de la cour. Il m'aime réellement, tu comprends ?» Thorn eut une expression de dédain de toute évidence. Ses états d'âme l'excédaient. « Farouk a cessé de s'intéresser à vous et vous le savez pertinemment. » Ophélie tombait des nues. L'esprit de famille. Cette femme était enceinte de son propre ancêtre. Bérénilde était devenue encore plus blanche que la soie de son peignoir. Elle dut prendre sur elle pour se recomposer, trait après trait, un visage serein. « Soit, » acquiesça-t-elle. C'est toi qui as raison, mon garçon. Comme toujours. » Par-dessus son sourire, le regard qu'elle posa sur Ophélie était venimeux.